ou sur Facebook. Vous écoutez la première, voici Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Ça, c'est la Vierge Marie en déshabillé de soie. Pourquoi il y a des bouteilles de Bourgogne à épaules tombantes, des bouteilles d'Alsace en forme de clocher de la cathédrale de Strasbourg et des bouteilles de Bordeaux à épaules carrées? Travailler dans le vin? Vous connaissez beaucoup de gens qui ne travaillent pas dans le vin ici. Cette semaine, un certain fruit. Le vin, c'est l'incarnation de la lumière du soleil enveloppé par de l'eau. De l'amphore. Il y avait dans les vins antiques énormément d'additifs. À la mondialisation. Nous avons détruit le mythe de l'invincibilité de la vigne française. Contenu. Plus serré qu'un cul-de-nonne, mais bonne concentration, très fruitée. Et contenant. Le vin a un rapport au temps qui n'est pas du tout linéaire. On ne couronne pas le vigneron qui produit le plus, on va couronner le vigneron qui a réussi à le mieux entretenir sa vigne, la bichonner. C'est ce que je veux faire avec mon vin, non? Il y a un moment donné, ça va, j'ai pas besoin d'avoir toujours 12 mecs autour de moi pour me dire ce que je dois faire. Vous êtes là, à me regarder avec vos grosses couilles. Mais ils vont pas dormir, là, les auditeurs. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Bonjour, oui, je m'appelle Raphaël Schirmer, je suis donc maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne, géographe, et je travaille sur la vigne et le vin depuis bientôt une vingtaine d'années maintenant. Oserais-je compléter en disant géographe, arpenteur et photographe? Effectivement, parce que j'essaie d'associer différents plaisirs, et à la fois la vigne et le vin, bien sûr, est un plaisir, mais les paysages de vignobles, et c'est une question qui m'a beaucoup intéressé, sont souvent assez extraordinaires. Et je pense bien évidemment d'ailleurs aux paysages de vignobles suisses, qui sont d'une beauté saisissante. La corniche qui domine le lac est véritablement splendide, et tout le système de terrasses sont des choses qui parlent à énormément de gens et auxquelles je pense on est sensible, à la fois en tant que géographe, d'un point de vue plus scientifique, mais aussi en tant que personne, en tant que touriste, en tant que voyageur et photographe. On va parler de deux objets, si vous le voulez bien, Raphaël Schirmer, à la fois ce livre, Un nouveau monde de vin, dont je vais lire quelques lignes, et puis également un article qui m'a fort intéressé autour du lien entre le cinéma, et plus particulièrement Hollywood, et le vin. Commençons, si vous le voulez bien, par Un nouveau monde de vin. Je vous lis. Comme le riz, le thé, ou encore le palmier dattier, la vigne est une plante de civilisation. Elle détient un fort pouvoir de création paysagère qui transcende les conditions environnementales. Les espaces qui la portent sont marqués par une anthropisation poussée. Le paysage n'est pas naturel, il est domestiqué. Produire du vin, c'est se rattacher à un vaste ensemble culturel dont les fondements sont à chercher dans l'Antiquité grecque et romaine. Autrement dit, ce sont des choses que l'on a devant nous que l'on pourrait apparenter aux monuments romains. Cette lecture-là, elle vient de vous, de votre propre plume, ou elle est déjà le produit de ceux qui vous ont précédé, des collègues aux tempes grises? Oui, bien évidemment, je m'inscris dans une filiation, et quand vous citiez les monuments romains, c'est Roger Dion, donc géographe, qui écrit dans les années 1950-1960. Et qui est sans doute l'un des premiers à mettre en avant le caractère éminemment culturel de la vigne et du vin. Par là, il s'inscrit un petit peu en faux contre une tendance qui apparaissait dans la géographie plus ancienne, qui était assez marquée par du déterminisme, c'est-à-dire la vigne pousse là où les conditions climatiques sont favorables. Et beaucoup d'écoliers ont pu voir ça sur des cartes où on voit la limite de la vigne, la limite de l'olivier, interprétées souvent comme des limites fixes et intangibles. Alors qu'au contraire, zone de soleil, zone de pluie. Voilà, on va dire ça pour aller vite, effectivement, alors que les choses sont bien plus compliquées. Et dans la réalité, on se rend compte que l'extension de la vigne ne repose pas sur des paramètres physiques, mais davantage culturels, lié à l'histoire de l'humanité, lié aux passions aussi que peuvent avoir telle ou telle personne pour la vigne et le vin, et aujourd'hui elle est présente sur pratiquement tous les continents. Mais là précisément pour ceux qui nous occupent, l'extension est liée à quoi? Est-ce qu'on la relie directement au christianisme, autant attaqué très fort, ou est-ce que ce sont des histoires qui sont tout de même à détacher? Non, ça va dépendre des situations. Pour l'Europe, c'est sûr que la relation au christianisme est forte. Hein, et Jean-Robert Pitt, géographe qui a dirigé ma thèse, a travaillé sur ces questions-là. Et que l'on a entendu précédemment dans cette émission. Voilà, donc j'imagine il a dû vous expliquer ça bien mieux que je ne serais capable de le faire. Mais au-delà de ça, il vous citiez Dion, Roger Dion. Les racines sont appuyées dans le monde grec et romain. Et la christianisation... Donc pré-chrétien. Oui, pré-chrétien. Et donc la christianisation va reprendre et acculturer en fait certains mythes pour les faire passer petit à petit dans nos sociétés. Et au-delà de ça, il y a aussi, je dirais, le monde protestant, par exemple, qui s'est lui aussi intéressé à la vigne, parfois sous d'autres modalités. Aux États-Unis, par exemple, ça a été souvent sur des modalités liées à la tempérance au XIXe siècle. Pour éviter que les gens ne boivent des alcools forts, on pensait que boire du vin, et puis on le pense souvent d'ailleurs encore, c'était toujours mieux et que ça limitait l'alcoolisme. Et puis, c'était aussi s'intégrer à une civilisation. Hein. C'est très net, Jefferson aux États-Unis a planté de la vigne, a essayé de la cultiver dans cette mouvance-là, par exemple. Tu sais, Charlie, faire du vin, c'est un sacerdoce. Ça se fait pas à mi-temps. Je crois pas que tu vas y arriver comme ça, en jetant un coup d'œil de loin de temps en temps. C'est une question de patience et de persévérance. Alors, on parlait du travail des anciens, et puis vous arrivez après. Alors, quels sont donc aujourd'hui vos objets de travaux? Il y a notamment cet ouvrage « Un nouveau monde de vin » dans lequel la photographie, vos photographies prennent une place importante. Est-ce à dire que la vigne, pour la saisir, pour la sentir, il faut aussi apprendre à la regarder? Et si oui, qu'apprend-on en regardant la vigne? Alors, en tant que géographe, je pense qu'une des questions majeures et intéressantes, c'est le phénomène de mondialisation, qui est très ancien. La vigne parvient dans ce qui devient l'Amérique latine après la colonisation espagnole, par exemple. Mais pour ce qui renverrait à ce que nous connaissons, nous, aujourd'hui, c'est très impressionnant de voir à quel point, puis on va en parler à propos du cinéma, j'imagine, de voir à quel point les Américains se sont emparés de la vigne et du vin. Après, votre question est complexe. Il y a des tas de thématiques sur lesquelles on peut travailler, aussi bien l'évolution des paysages, et hélas, peut-être une des atteintes majeures dans nos sociétés aujourd'hui, c'est l'urbanisation. Et je pense d'ailleurs aux vignobles suisses. Hein. Certains endroits, je l'imagine, sont très protégés, mais quand on est en périphérie, il y a quand même des constructions. Et on peut imaginer, avec la pression du nombre d'habitants, qu'on a besoin aussi de développer les villes. Et donc c'est vraiment très compliqué de... Et pas tout pour le raisin, un peu pour l'homme aussi. Mais c'est difficile de le gérer et qu'il n'y ait pas des verrues qui s'installent au milieu des vignobles. Donc une pression foncière qui peut parfois être assez extraordinaire. Surtout quand on a des très beaux coteaux, avec des paysages extraordinaires, où on voit les Alpes au loin, j'imagine que voilà, il doit y avoir une demande assez forte. J'ai oublié... Oui, regardez la vigne, parce que votre ouvrage, l'ouvrage sera en lien sur le site d'Histoire Vivante pour tous ceux qui pourraient avoir envie, après vous avoir entendu, de le consulter. Commence par toute une série de photos où aussi bien la vigne que les bouteilles apparaissent comme des palettes multicolores. Oui. Il semble que vous ayez eu goût de présenter au lecteur cette sensation qu'il fallait découvrir la vigne par sa palette, justement. Oui, effectivement. Alors, palette qui est très diverse, si bien spatialement, on en a un petit peu parlé déjà, entre des vignobles, par exemple, de terrasses, comme il peut y avoir en Suisse, encore une fois, ou des vignobles beaucoup plus plans, comme ici à Bordeaux. On a déjà des paysages qui sont absolument différents. Je pense aussi à des vignobles... Plus horizontaux. Plus horizontaux, oui. Je pense aussi à des vignobles assez extraordinaires comme Lanzarote aux Canaries ou... Décrivez un peu, parce que qui n'a pas vu ça... Oui, j'ai décrit tout de suite. Ouais. Et puis je pensais aussi au vignoble du Pico qui est aux Açores, qui est un petit peu du même registre. Donc Lanzarote, c'est un des paysages sans doute parmi les plus extraordinaires au monde. Les vignes poussent sur un espèce de sable qui vient en fait du volcanisme. On est sur des îles volcaniques et sur lequel pratiquement rien ne pousserait si on n'avait pas installé des petits murets de pierre de basalte. Et la première fois que j'y suis allé, je me suis aperçu à ce moment-là que les pierres n'étaient pas en place non plus. Les gens sont allés chercher. Donc j'ai demandé à des Espagnols qui m'ont dit oui. Donc certainement sur un travail multiséculaire, ils sont allés chercher de gros amas de blocs de roches pour construire ces petits murets qui protègent la vigne du vent. C'est une région qui est très ventée. Il y a une île qui s'appelle Fuerteventura. Et dans chacun des petits trous qui ont été creusés donc par la main humaine, il y a un pied de vigne qui pousse. Et dans des conditions d'aridité qui sont assez extrêmes, et donc on arrive à maintenir un tout petit peu d'humidité dans le sol. Donc c'est un paysage lunaire, noir, complètement noir, qui est vraiment extraordinaire. C'est fascinant au point de vue photographique. C'est, je pense sans doute là. Alors il est tellement atypique, j'allais dire, est-ce que c'est le plus beau vignoble? Je n'en sais rien. Mes goûts iraient plutôt pour d'autres vignobles, peut-être Porto par exemple, mais le Haut Douro. Mais c'est vrai que c'est un vignoble qui est fantastique. Celui de Pico que j'évoquais aux Açores, c'est à peu près le même système. Là, ce sont plus des murets, en fait, très géométriques qui ont été construits, qui parfois prennent des courbes, des sinuosités, et qui sont assez splendides aussi. On a quelque chose qui est très minéral, avec des vignes assez isolées les unes des autres. Sur le plat, là-bas, près de la route, c'est les vins les plus simples. Les villages. Ils sont pas très cotés, mais c'est les plus difficiles à faire. Parce que là-bas, t'es tout seul. Le terroir, il t'aide pas encore. Un peu plus haut, là, en remontant, au pied de la pente, là, c'est les premiers crus. Alors là, le terroir, il commence à parler, à te donner un coup de vent. C'est mieux drainé, mieux exposé. Les raisins mûrissent plus facilement. Alors, bien sûr, ça se retrouve dans les vins. Quand tu remontes là-haut, jusque sous les bois, c'est la terre des grands crus. Dans les objets que vous pouvez étudier, Raphaël Schirmer, il y a ce 19e siècle très singulier pour l'histoire de la vigne, puisque c'est un moment de crise, crise liée à la maladie, crise également, vous le rappelez dans vos lignes, liée à un phénomène de surproduction, pour certaines régions en tout cas. Comment ce monde-là va arriver à gérer ces crises-là, autrement dit, d'abord y faire face, trouver de la réponse et enchaîner avec le chapitre suivant. Ah, et c'est délicat parce que ça renvoie à plusieurs crises. Donc vous évoquiez la maladie, par exemple le phylloxéra 1863 pour la France, qui se répand ensuite en Europe. C'est aussi le développement du chemin de fer, hein, qui va mettre les régions en concurrence les unes par rapport aux autres, qui font que certaines régions vont parfois disparaître ou d'autres être amenées à beaucoup produire. Je pense au sud de la France, Languedoc-Roussillon, hein, qui va être un vignoble qui devient un très gros producteur et qui va donc connaître des crises de surproduction. Et puis ce serait encore la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui l'œnologie, mais qui a été au départ une sorte de chimie du vin pour produire coûte que coûte des raisins. Et bon, aujourd'hui l'œnologie a bien évidemment à faire des progrès scientifiques énormes et parvient à faire des aider à faire des vins de qualité. Mais voilà, on sort d'une situation de grosse crise. Et je pense que dans la longue durée, ce qu'il en ressort sont deux choses majeures. La première, c'est une loi française de 1889 qui est la loi Griffe, qui a été pratiquement exporté dans le reste du monde et qui considère que le vin n'est fait qu'à partir de raisins ou de moût de raisin. De là, son absence d'industrialisation, en fait. Et cette loi, en fait, a bloqué pratiquement la production du vin dans des situations assez artisanales, puisqu'on ne peut pas, je prends des exemples concrets, aujourd'hui on a le droit de le faire quasiment, on ne peut pas mélanger des substances au vin, c'est-à-dire on ne peut pas y mettre par exemple un colorant, on ne peut pas y mettre un sirop par exemple, alors ce qui commence à se faire, et il y a des vins qui sont apparus aujourd'hui dans lesquels on met un sirop de pêche, je suis même pas sûr qu'il soit d'ailleurs bien fait avec de la pêche, mais c'est peut-être plutôt de la chimie complète. Bon bref, tout ça pour dire que cette loi a obligé le monde viticole à rester dans une situation très artisanale et plutôt vue comme quelque chose produit par des petits domaines familiaux et qui renvoie à la question en fait de vin de terroir. Qu'est-ce qui valait que l'on choisisse le non-mélange ? Ça reposait sur un critère moral, c'était quoi ? Oh, certainement moral, culturel, géopolitique aussi. Là, si on rentre un peu dans cette catégorie, c'était très nettement pour éviter en fait que le négoce qui se développe beaucoup au XIXe siècle ne devienne dominant et puissant et n'arrive à faire des vins qui soient des mélanges de telle ou telle chose ou mettre des produits dedans. De façon aussi pour l'État, en ce qui concerne la France, de marquer son territoire. Ah, certainement aussi, oui. C'est au même moment, l'État français a aussi besoin, dans ces années-là, de, en tant que république, de s'installer dans les campagnes et par conséquent, je ne sais pas si le mot est bon, mais de flatter peut-être les populations paysannes qui n'étaient pas forcément acquises. Hein. Beaucoup étaient royalistes, étaient bonapartistes, donc il fallait que la république s'installe aussi et ça a certainement été un des vecteurs. Pour que les gens comprennent bien, je pense qu'on peut comparer le vin au secteur laitier qui souvent, alors pas partout et peut-être pas en Suisse d'ailleurs, mais a été complètement industrialisé et n'a pas réussi justement à sauvegarder cet aspect de petite propriété microscopique. Et en France, en ce moment, on a un débat sur le camembert, hein, où justement, il y a cette tentation d'industrialiser le camembert en facilitant la pasteurisation, alors que le vin, au contraire, était resté sur quelque chose d'artisanal. Je vous rassure, on pasteurise un peu dans tous les domaines. Eh oui. Le deuxième héritage très important que le monde du vin a pu léguer, alors le fromage aussi a travaillé sur cette question-là, sont des signes de qualité qui, pour la France, vont être créés en gros en 1905, puis surtout en 1935, avec la naissance des appellations d'origine contrôlée, qui, globalement, donne le pouvoir de la gestion d'une aire viticole aux viticulteurs eux-mêmes. Et, à mon sens, l'héritage majeur, donc en délimitant, en créant tel AOC, Champagne, Bordeaux, Loire, par exemple, cela a permis de donner aux viticulteurs et viticultrices le pouvoir dans leur région viticole. Et donc, notre modèle a été franchement marqué et fabriqué par la volonté de maintenir une paysannerie plutôt petite, produisant des vins de qualité. Alors ça a été un long parcours, hein, dont on est toujours, je dirais, les héritiers aujourd'hui, par le biais de signes de qualité, et qui empêche et évite une industrialisation trop importante du monde du vin. Alors, ça n'a pas toujours réussi, mais globalement, on est plutôt dans ce modèle-là. Et dans notre imaginaire, bah, un viticulteur ou une viticultrice, ça renvoie vraiment à une exploitation donnée, très localisée. On sait que le vin vient de tel domaine, tel château, par exemple, pour le Bordelais. Ce qui est moins le cas, par exemple, si vous achetez un yaourt, vous ne savez pas d'où il vient. Est-ce que les crises, notamment sanitaires du 19e siècle, ont débouché également sur une certaine forme d'uniformisation? Autrement dit, il y avait auparavant un nombre de cépages peut-être bien plus vaste, plus divers, et au lendemain de cette crise, on résistait quasiment de manière darwinienne les cépages que l'on a considérés les plus résistants. Oui, certainement. Alors, je ne suis pas empélographe ni historien, donc c'est une question qui est délicate. Je pense qu'il faudrait demander à des spécialistes. Mais oui, il y a eu un tri. C'est manifeste dans l'encépagement et dans les variétés qui ont été considérées comme étant qualitatives et qu'on a conservées. C'est pour ça qu'aujourd'hui réapparaissent des cépages dits oubliés ou perdus, et il y a un mouvement assez intéressant en la matière. Mais en même temps, on a assez peu de connaissances sur ce qui se faisait auparavant, avant ces crises, parce que l'empélographie et toute la recherche sur les cépages, elle naît à ce moment-là. Donc, aller savoir comment étaient véritablement les vignobles auparavant, c'est très délicat. Et on suppose qu'il y avait dans beaucoup de vignobles un mélange très important des ceps de vigne à l'intérieur même d'une parcelle, que c'était très hybridé, hein, que tout ça se croisait dans la durée, notamment, déjà parce qu'on n'avait pas les moyens techniques et scientifiques qu'on a aujourd'hui, et aussi parce que c'était une manière de garantir une récolte coûte que coûte, en ayant des cépages qui, pour certains, mûrissaient davantage à tel moment, d'autres un peu plus tardivement, et les gens arrivaient de cette manière-là à avoir des récoltes, tant bien que mal. On n'a pas d'image. Les peintres, tout ça, non pas. Pas à ma connaissance, et puis... Déjà, l'empélographie, c'est très compliqué. Hein. Même les empélographes, pour reconnaître un cépage, il faut qu'ils... Précisez bien ce que recouvre... Oui, alors les empélographes sont les gens qui travaillent en fait sur la description des ceps de vigne. Et puis bon, ça va loin. Aujourd'hui, ce sont des gens qui travaillent notamment sur la génétique et des questions que je ne maîtrise absolument pas et qui sont compliquées. Mais pour aller vite, reconnaître un cépage, ça nécessite déjà qu'il ait ses feuilles, qu'il ait bourgeonné, qu'il ait des grappes, et ça demande des connaissances assez poussées. Je me suis rendu compte déjà en étant en présence avec des gens parfois très calés dans ces disciplines-là, que parfois ils ont même des hésitations, hein, entre deux cépages, parfois ils se ressemblent et ça peut être un débat. Et par exemple, on s'est aperçu il y a quelques années au Chili que ce qu'on pensait du Merlot était finalement du Carménère, originaire de Bordeaux aussi, qui a complètement disparu ici. Alors il y a eu des tentatives de replantation, ou même il y a des replantations, mais voilà, on confondait quasiment les cépages. Des plants qui sont partis au XVIe siècle, probablement, ont traversé l'Atlantique. Oh, peut-être plus tardivement, peut-être. Plus tardivement, je pense que l'influence des Bordelais, c'est peut-être plutôt au XIXe siècle, à un moment où Bordeaux s'exporte. Philippe Routier, qui était géographe à l'université de Bordeaux, évoquait un véritable modèle bordelais qui prend toute sa puissance au XIXe siècle, au moment où les Bordelais partent à l'étranger, apprennent, entre guillemets, aux autres, parfois, à faire des vins de qualité sur une modalité bordelaise. Donc c'est certainement plus tardif au XIXe siècle. Et en relation avec la crise qui sévit ici, hein, lorsqu'une phylloxéra se développe au XIXe siècle, 1863 et les années qui suivent, la crise est tellement forte que certains Bordelais vont s'exiler et partir en Argentine, au Chili notamment, au Uruguay, pour essayer de produire du vin là-bas. Il y a un côté terreux, hein, qui ne me déplaît pas d'ailleurs. C'est boisé, mais ça je m'y attendais, mais il y a une petite note de fruit qui pousse toute droite là, au milieu de tout ce gras. Ah, il se tient pas mal. Hein. Il se tient tout seul, vous voulez dire? Là où je bosse, certaines cuvées rivalisent sans problème avec les grands Bordeaux. Combien vous le vendez, ça? $180. Vraiment? Tout de même? C'est pas du pétrus, hein? Et toi, qu'est-ce que ça te dit? Non, j'aime bien la touche florale finale. Un petit goût de rose fanée. Où est-ce que t'as trouvé la rose fanée là-dedans, toi? On n'est pas en Côte de Nuit, on est en Californie. C'est pas un vin romantique, c'est Coppola, Valkyrie. C'est pas très délicat, un peu brutal. Oh, brutal, non. C'est trop pas, quand même. Oh. Alors, Raphaël Schermer, justement, traversons l'Atlantique, grâce à votre article « Holy Wine ou le vin dans le cinéma américain ». Je dois vous avouer que ça m'a fait grand plaisir de lire ces lignes, parce que ça faisait quand même quelques années que je me disais, c'est assez curieux, il y a systématiquement dans un certain nombre de scènes de réalisateurs, disons, fort appréciés en Europe, je pensais à des gens comme Woody Allen ou Sidney Pollack, l'incontournable, l'inévitable scène de pinard et la plupart du temps de vin rouge, quoique il y avait aussi des scènes avec le verre de vin blanc. Et je m'étais interrogé là-dessus, je me disais, j'ai l'impression qu'au travers de ce cinéma-là, les États-Unis essaient de s'inscrire véritablement, d'arriver dans le monde du vin par le soft power qu'est le cinéma. Et puis, j'ai eu un peu la confirmation. Comment arriver à comprendre, peut-être un peu mieux le préciser, qu'on est passé d'un... On n'imagine pas John Wayne ou Humphrey Bogart ou Robert Mitchum avec un verre de Bordeaux ou de Bourgogne. Non, eux, c'est le scotch au comptoir. Alors, on est passé d'un objet à l'autre, d'un liquide à l'autre. Oui, effectivement. Mais ça renvoie peut-être à des fondements et des mythes différents des États-Unis. Les westerns, voilà, c'est la conquête de l'Ouest. Et encore, je pense notamment par l'intermédiaire de Steinbeck, John Steinbeck, dans certains films, et notamment dans Alas d'Éden. Sinon, il y avait Les Raisins de la Colère. Et dans Les Raisins de la Colère, où ça a été repris au cinéma, et on voit des scènes de dégustation de vin. Alors, je suppose, c'est très difficile à voir, mais James Dean, dans Alas d'Éden, si je me souviens bien, goûte du vin. Et il est difficile de voir ce que c'est, mais c'est probablement une bouteille de Madère, puisque c'est le vin que boivent à ce moment-là les élites et les gens tant soit peu fortunés aux États-Unis. Et il saoule ou il fait la grimace? Ou les deux. Il faudrait revoir la scène, mais ouais. Je crois qu'il fait pas grand chose finalement. Il doit tremper son doigt et puis il prend une allure assez difficile à décrypter et je crois que ça s'arrête là, hélas. Donc ça, je dirais que c'est le versant du cinéma américain ou de la littérature américaine qui renvoie à une consommation qui existait, mais plutôt très limitée et plutôt dans des élites, on va dire, culturelles, souvent proches de l'Europe finalement. Et d'ailleurs, Woody Allen, je pense, s'inscrirait dans cette tendance-là, où là aussi, Woody Allen, très européophile, certains de ses films se passent en Espagne ou en France. Là, bien sûr, il y a des consommations de vin assez répétitives, et j'ai même l'impression, il faudrait le mesurer, que dans ses derniers films, il y en a encore plus que ce n'était le cas auparavant. Je bois à votre bel été à Barcelone. Oui. Bienvenue. Salut. À la Beauce. Salut. Barcelona. Qu'est-ce que tu regardes sans arrêt? C'est pas le peintre qu'on a vu tout à l'heure à la galerie? Il arrête pas de regarder Paris. Bah, c'est parce que t'arrêtes pas de le provoquer du regard. Je l'ai pas provoqué du regard. Enfin, je ne fais que boire mon vin. Mm-hmm. J'aimerais vous inviter toutes les deux à m'accompagner à Oviedo. On y passe le week-end. On mangera bien, on boira du bon vin, on fera l'amour. La question de coucher ensemble ne fut pas soulevée avant le soir, alors que Juan Antonio avait un peu trop bu. Oh, ça va, je pensais que la question était réglée. Non, ce que Vicky essaie de dire, c'est qu'elle est fiancée et rien d'autre. Et je vais vous dire ma théorie, parce que quand j'ai bu, je suis brutalement franche et... Oh, merci. Voilà. C'est quoi ce vin? Il est délicieux. Excellent. Ton fiancé? Oui. Il ne serait pas fâché s'il savait que nous dînons ensemble. Je doute qu'il accepterait l'idée en soi de me voir... assise avec un homme en buvant du vin à la lueur des chandelles, mais très, très, très vite, il se rendrait compte qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Est-ce que c'est une manière, pour vous, tel que vous pouvez le lire, par le truchement du cinéma, pour les États-Unis d'acquérir des lettres de noblesse? Peut-être, c'est une question intéressante que vous soulevez là. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de véritablement coordonné et volontaire derrière, avec des, comment dire, une organisation quelconque qui se dirait il faut, et on pourrait imaginer hein, d'ailleurs que les organismes professionnels californiens mettent de l'argent dans les films en disant il faut absolument montrer le vin, etc. J'en suis pas persuadé, je pense que ça renvoie plutôt à un phénomène profond que connaissent les États-Unis aujourd'hui, où probablement en réaction notamment à la mondialisation, beaucoup de gens aujourd'hui s'intéressent à la gastronomie, et avec la gastronomie au vin, et la génération actuelle de trentenaires dans les grandes agglomérations américaines, est absolument super intéressé par la gastronomie, la dégustation de vin, et c'est vraiment un phénomène impressionnant, et qui nous revient, je pense, aujourd'hui, qui revient chez nous. On va se boire plein de bons vins, se faire des parcours de golf, on va se faire des bonnes bouffes, apprécier les paysages, on fera en sorte que toi, tu t'éclates avec élégance, mon frère. Tu sais quoi? On va plutôt prendre la sortie Santa Rosa et aller sur Sandford d'abord, ça te va? Ça me va très bien, je boirais bien un verre. Ces gens font du pinot et du chardonnay de premier ordre, une des meilleures caves du comté de Santa Barbara. Je croyais que t'avais horreur du chardonnay. Non, non, non, j'aime tous les cépages. La seule chose, c'est que je n'aime pas la manière californienne de travailler le chardonnay. Trop d'odeur de chêne et une seconde fermentation malolactique. Il y a aussi une histoire dans tout ça de lutte sourde. J'en veux pour preuve Bottle Shock, dont je vais vous laisser raconter l'origine, l'histoire. On parle d'une histoire vraie qui s'est déroulée, et puis cette histoire vraie va finalement Il va en déboucher deux films, mais commençons déjà par l'histoire. Oui, alors ça fait référence à ce qu'on a appelé le Jugement de Paris, qui se tient en 1976 à Paris pour le bicentenaire des États-Unis, dans lequel Stephen Purrier, qui est un vendeur de vin, caviste de vin parisien, très intéressé par les vins et d'origine anglaise, on ne sait pas exactement selon quelle modalité, parce que ça a été tellement romancé a posteriori, décide de faire une dégustation de vin à l'aveugle, opposant des vins californiens, donc pour les rouges opposés à des Bordeaux, et pour les vins blancs opposés à des Bourgognes. Avec 11 experts. Voilà, qui sont vraiment des experts. Il y a des gens qui travaillent à l'INAO, Institut National de l'Origine et de la Qualité, des restaurateurs, des journalistes, voilà, donc des gens qui font référence dans le monde du vin. Où a lieu l'expérience ? Elle a lieu à Paris. Et de ce qu'on en sait, alors, comme je le disais, ça a été romancé, d'autant qu'il y a, à l'époque, ça n'intéressait pas grand monde. Il y a seulement un journaliste qui a assisté à la scène et donc qui a écrit dessus. Et puis, de ce qu'on en sait, les médias américains n'en ont quasiment pas parlé à ce moment-là. Les médias français, pas trop non plus. C'est passé un petit peu... Les médias français, on peut comprendre. On peut comprendre, effectivement. Donc, c'est un peu passé inaperçu. Et puis, c'est revenu sur le devant de la scène. Je ne sais pas exactement comment, mais petit à petit, les Américains se sont profondément intéressés à ce Jugement de Paris. Parce que, on a oublié de le dire, les vins californiens battent les vins français, aussi bien dans les rouges que les blancs, et ce sont des Californiens de la vallée de la Napa qui, comment dire, sont décrétés comme étant, je cite les Américains, les meilleurs vins du monde finalement. 1. Luni Montrachet. 2. Meursault Charme. 3. Chalone Vineyard. 4. Château Montelena. Qui a gagné? On attend tous avec grande impatience. Oui, oui. La première place, avec un total de 132, revient au château Montelena de Napa Valley, en Californie. L'événement en lui-même, il a été complètement mythifié et il y a beaucoup de choses à en dire, mais il est intéressant à plusieurs titres. Et je pense notamment que pour les Américains, aujourd'hui, c'est devenu une sorte de clé de lecture pour eux du moment où les États-Unis vont réussir à battre, entre guillemets, l'Europe et les vins français dans leur qualité, à tel point que les bouteilles, et notamment une bouteille du château Montelena de la vallée de Napa, sont rentrées au musée d'histoire des États-Unis, au même titre qu'une Ford T, une combinaison de cosmonautes à lancer sur la Lune, eh bien ils ont mis des bouteilles. Et finalement, ça revient à dire que voilà, l'histoire, vue sous un angle américain, s'est enclenchée et a réussi à dépasser la qualité des vins. Et dans un reportage qui s'appelle « Les voix du terroir », qui a quelques années déjà, il y a un professionnel d'origine sud-africaine qui travaille à ce moment-là en Australie et qui dit quelque chose qui, pour nous, paraît complètement insensé en tant qu'Européens. Il dit « Nous n'avons toujours pas réussi à faire le meilleur vin du monde et nous allons le faire ». Et ça, c'est très impressionnant parce que nous, en Europe, on aurait tendance à dire que nos vins sont de qualité. Alors certes, on progresse, mais ils sont de qualité et on n'ira peut-être pas bien au-delà de ça. Et là, c'est une vision qui est complètement inscrite dans un espèce de progrès. Alors là aussi mythifié en disant que les vins européens, c'est absolument faux, hein, sont faits de façon grossière, complètement artisanale, et que les Américains maîtrisent les technologies, parviennent à maîtriser par exemple le froid, des choses comme ça. Donc voilà, ça a été complètement mythifié, mais c'est intéressant, ça en dit long, je dirais, parce que derrière cela, au-delà de l'histoire des États-Unis, c'est de montrer que le monde a réussi à faire des vins qui surpassent les vins français ou des vins européens de façon plus générale. Donc c'est un peu intelligence artificielle contre Néandertal. Il y aurait quelque chose comme ça, effectivement. Ouais. Ah bien. Si on veut vous lire, Raphaël Schirmer. Alors peut-être mon dernier livre, disons, qui vient de paraître aux éditions Glénat, je vous remercie. Donc, vin et vigne, civilisation du vin. Sinon, j'ai un blog qui s'appelle Cabernet. Donc, c'est un petit jeu de mots sur le cépage bordelais Cabernet et point net, qui généralement intervient sur des questions d'actualité liées au monde du vin, sur des thématiques aussi qui peuvent me faire plaisir, notamment à la suite de voyages où parfois je vais expliquer les paysages de telle ou telle région. Et puis depuis quelques temps, j'y mets des photos aussi pour me faire plaisir et j'espère faire plaisir aux gens qui pourront lire et regarder ce site. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci beaucoup. Est-ce que ça va ici? Qu'est-ce que c'est que ces vins de Californie? Qui sont tous excellents. Vous vous attendiez à trouver quoi? De la piquette.